exotisme. C'est fou. 89.1. Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les Palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 16 au 22 février 2015. Je m'appelle Mathieu Plante, Jean-Philippe Charbonneau est en congé cette semaine. Ah, oh, pauvre lui. On le salue, bien sûr. Il était avec nous en direct la semaine passée de Vallée du Parc, tu sais, il a fait du ski. Hein? Cette semaine, ben, il est juste pas là. Il est pas là. Donc aujourd'hui, dans l'émission, pendant 3 heures, on va bien sûr entendre le meilleur de la musique que c'est fou à vous offrir. D'ici la fin de l'émission, on va savoir si notre numéro 1 francophone est toujours Jean Leloup avec les Flamants Roses et en anglophone, OK Go avec Obsession. Ça, c'est dans 3 heures environ. On a aussi Palmer Rest in Peace pour dire au revoir aux pièces qui nous ont quittées. On a un instant classique pour écouter les meilleurs moments d'assemblage requis. C'était fou pour retourner dans le passé un petit peu, ainsi qu'ailleurs dans les palmarès pour savoir ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. On va débuter avec le New Shit, les nouvelles entrées de cette semaine. Plus tard, il y aura Lubic, Tire le Coyote, Navarre, Elliot Maginot et Lisa Leblanc, mais débutons en 20e place francophone avec Pat Ground. Sur leur album, Pat Ground, ou son album, j'imagine que c'est une personne, sûrement Patrick Grondin, je sais pas trop quoi. Donc Pat Ground, voici N'oublie pas la couleur au 89 FM. C'est fou. Dépose ce vieux tableau et range-le dans un coin. Recommence à zéro, ça ira mieux demain. Refais le monde plus beau avec tes coups de pinceau. Surtout pas ses défauts, ceux qui nous ont choqués, ceux qui nous ont blessés. Efface tout ça et recommence. N'oublie pas la couleur. Dessine pas mes mains. Prends le bleu de tes yeux. Étends-le dans le ciel. Et plus gros le soleil. Fais chanter les oiseaux. Disparaître les fusils. Rire les enfants à la hauteur de ton talent. Détruis toutes les peines. Trace la ligne du bonheur. Et fais la zigzag qui dirige la mer ton cœur. Ne retourne pas chercher le noir. Il est perdu, je n'en veux plus. N'oublie pas la couleur. The smell of your old cigarette has stayed on my coat, and even though I find it kind of gross, it somehow comforts me. The great thing about us is that we're practically the same, and you know that's what scares me the most. My heart's always traveled with me in my suitcase, and I guess I don't want to see it ending up in yours. Well, you look like trouble, but I guess I do too. Well, you look like trouble, but I guess I do too. Thank you.

Violet Maginot avec Young Old sur l'album Young Old Everything in Between en nouvelle entrée en 19e place anglophone. Et Violet Maginot qui va être à Trois-Rivières au Centre culturel Pauline Julien le 17 avril prochain pour son album Young Old Everything in Between. Et Violet Maginot qui est aussi venu aux soirées Cacher ses fouilles il y a quelques années de ça. Donc on l'aime bien. Avant ça, en francophone, c'était Navarre avec Je te suis. Navarre qui est un progéné de la collaboration entre Annie-Claude Navet. Navarre, oui, bien sûr. Navet, bravo. Et Guillaume Chartrain. Leur premier album, Temps bipolaire, sort le 9 mars prochain. On a entendu l'extrait Je te suis sur cet album-là. Avant ça, en 20e anglophone, Lisa Leblanc et un nouvel extrait de l'album Highways, Heartaches and Time Well Wasted qui s'appelle You Look Like Trouble, But I Guess I Kinda Do Too. Chose genre. I Guess I Do Too, voilà. Et avant ça, au tout début du bloc, en 19e, 20e francophone, c'était Pat Ground avec N'oublie pas la couleur, qui est le premier extrait de son nouvel album qui sort le 14 avril. On est vraiment à l'avance là-dessus, 14 avril. Pat Ground, exactement comme je l'ai dit en début d'émission, je disais ça complètement au travers de mon chapeau sans le savoir, c'est vraiment Patrick Grondin, l'ex-auteur, compositeur, bassiste de la défunte formation Philosonic qui a connu un énorme succès en 2004-2005 avec la chanson La couleur, c'est bien de valeur. Donc je pense qu'il trippe sur couleur, le mot couleur. N'ayant jamais cessé ses activités créatives depuis la dissolution du groupe, Patrick nous présente maintenant son univers particulier à travers ce personnage désinvolte qui peut être à la fois réfléchi, absurde et touchant, nous dit-il. Voilà, c'est Pat Ground au début du bloc. Il nous reste encore deux nouvelles entrées. En 17e, un deuxième extrait de l'album Jusqu'au bout de Lubic. Il s'appelle L'essence, mais débutons en 18e place avec un autre nouvel extrait de Tire le Coyote sur l'album Panorama, c'est Les Chemins de Serviette. Au 89 FM, c'est les Palmarès, c'est fou. Chemin de serviette. Nouvelle entrée. Nouvelle entrée en 17e place francophone sur l'album jusqu'au bout. Deuxième extrait de cet album-là, j'adore ça, Lubick. Avant ça, ben, ça tire le coyote là, avec les chemins de serviette. C'est un genre. Sur l'album Panorama, c'est pour d'autres gens que moi. Voilà pour les nouvelles entrées. On avait quoi? 6? C'est quand même une bonne récolte, je dirais. On va devoir dire au revoir à 6 autres. Par contre, voici Palmer, Rest in Peace. Just mountains of change. Voici les pièces qu'ils ont quittées depuis les précédents palmarès. Je connais rien en ma femme. Oh, arrêtez avec ça! Peux-tu faire un deal? Voudrais-tu devenir ma révolution tranquille? Next, next, next. Skip, swipe left. La débauche d'une phase. fait du bon monde, pareil, check moi. Pis toi avec dans le fond, même si t'écoutes pas. Moi j'ai de le king au Nintendo. On drive à Saint Ninja Turtle. Le gros du baby du Terrembo. Avec sa collection couteau. En haut, en haut, en bas, en bas. À gauche, à droite, à gauche, à droite. OPA, OPA, c'est l'exarpe. Un million mis à contre. Un million mis à contre. Oh, oh, oh, ah. C'est fou depuis l'édition du 9 au 15 février 2015. On a débuté avec Mon pire cauchemar. Tire le coyote et ma révolution tranquille. Lui qui est de retour, donc la fin d'un cauchemar et le début d'un autre. Lui qui revient en position numéro 18. Ensuite, on a entendu les gars de Mashup, groupe local qu'on aime bien, le King's Nintendo sur leur album Les gars de Mashup. Ensuite, j'ai oublié de dire le nombre de semaines. C'était 2 pour Tire le coyote, 6 pour les gars de Mashup. Ensuite, Mauve avec Ruel qui a duré quand même 5 semaines sur l'album Le Faux du Soir. Et on a terminé avec Lubic et Laisse-toi aller qui a duré 8 semaines sur l'album Jusqu'au bout. Lubic est de retour, on l'a entendu il y a quelques instants avec L'Essence, deuxième extrait. En anglophone ensuite, Century Palm avec To The Ether, qui a duré 9 semaines, sur l'album qui porte leur nom, Century Palm. Et on a terminé avec Hirozeta et Kintsukuroi, qui vient de l'album Second Sight, et qui a duré un respectable 7 semaines. Voilà pour Palm Rest In Peace, où on dit au revoir aux pièces qui nous ont quittés. Et on fait ça en début d'émission, juste après les nouvelles entrées. Maintenant, on doit sauter par-dessus quelques petits trucs. Donc, en 18e anglophone, on saute Brave Shores avec World Beneath the Sea. En 17e, The Pretty Reckless avec Sweet Things. On va aller entendre les deux positions numéro 16 en anglophone, c'est The Seasons avec Copernicus. Mais tout de suite, voici Huit Clos, 7e semaine de présence pour Pourquoi pas moi. Au 89 FM, c'est les Palmarès, c'est fou! Plancher. Tout le monde

Claude Bégin, avant de disparaître, position numéro 15 francophone, ça descend de 3 places, ça fait 3 semaines que c'est là. Avant, on a sauté par-dessus Brother Octopus et Bigfoot, qui est là depuis 6 semaines quand même. Et avant, du côté des 16e places, il y avait The Seasons avec Copernicus, qui a descendu de 13 places. Et au début du bloc, Huis Clos avec Pourquoi pas moi, qui descend de la 9e, 7e semaine de présence. C'est la première heure, évidemment, on essaie de rentrer le plus de musique possible avant d'entrer dans le top 10, puis après ça dans le top 5 dans la 3e heure. Donc c'est pour ça qu'on parle un petit peu moins, il se passe moins d'affaires, on jase pas bien bien. On va aller tout de suite à un autre bloc déjà. En 14e place, on entendra en anglophone de High Dials et Desert Tribe qui est stable. Mais avant ça, ça descend de 11 places. Voici Fontarabie et Vent Blanc au 89 FM, c'est les palmarès, c'est fou. Thank you. 16. Man par Spoon River en 13e place anglophone, ça monte de 2. Avant ça, en 13e position franco, on a sauté par-dessus Caravan et Harmony Rocket qui est stable. J'espère bien pouvoir l'entendre la semaine prochaine. En 14e anglophone, on l'a entendu de High Isles avec Desert Tribe qui est stable. Avant ça, en francophone, on a entendu Fontarabie avec Vent Blanc qui descend de la 3e place. Maintenant, on saute par-dessus les 12e en anglophone. C'est André Papanicolaou avec Disposable, qui est là seulement depuis 3 semaines, mais elle dure comme 6 minutes, j'ai pas le temps de la jouer. En 12e francophone, c'est Le Couleur avec Concerto Rock, qui est là depuis 10 semaines. On commence à savoir un peu de comment ça sonne. En 11e, on doit sauter Chocolat, qui elle aussi dure 6 minutes. La chanson s'appelle Apocalypse. C'est une nouvelle entrée de la semaine passée. On va entendre la seule survivante de ce bloc de trop longues pièces, c'est Cairo, avec History of Reasons, qui monte de 8 places. C'était nouveau la semaine passée. La voici à l'instant. Au 89 FM, c'est les Palmarès Sif. Reasons will make me stop, but the color of your skin, or the color of my eyes when you're looking at him. Do it again, I do it again, I do it again. When it's you and I, I'm unpacking and you're leaving on another red eye goodbye. History of Reasons, pièce titre de leur plus récent album. C'est la fin de la première heure, la portion new shit de l'émission. On se retrouve dans quelques instants avec la deuxième heure et les positions 10 à 6. En plus de l'instant classique et de C'était fou, c'est dans les palmarès si fous. Et restez avec nous. fou de changement. Vous êtes dans la zone 89.1. Bonjour, c'est la deuxième heure, la portion top 10 des polars assez fous pour la semaine du 16 au 22 février 2015. Je m'appelle Mathieu Plante et Jean-Philippe Charbonneau, toujours congé cette semaine. Il va être de retour avec nous la semaine prochaine. C'est la portion top 10, donc on écoute les positions au numéro 10 pour débuter. Ça va-tu bien, ça? Plus tard, si vous restez avec nous, vous allez avoir droit aux instants classiques, les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine passée, donc celle du 9 février 2015. Mais ça va donc en 10e position anglophone, c'est Samantha Savage Smith avec It's a Burn qui monte de 6 places. Et on débute avec Les Passagers qui, elle, monte de 4 places. Voici Le Ciel est noir au 89 FM. Le ciel est noir. quand ton cœur est en voyage, notre amour est un décalage entre la nuit et puis le jour. As-tu rangé le cahier avec les notes de musique qu'on avait composées à deux? Je veux te jouer la mélodie qui te rappellera ton pays, pour que si jamais tu oublies qu'ici je t'aime, elle te le rappelle. Je ne fais rien attendant, sauf aimer l'alcool plus souvent pour engourdir ce qu'il reste. Parce qu'à force de distance, l'amour we'll be right back.

Downtown. c'est génial. White Horse et Downtown qui montent de la 20e à 8e et ça mérite vraiment ce bond de 12 places vers le haut sur l'album Leave No Bridge Unturned. Avant ça, en francophone, c'était Dumas avec Compte à rebours qui aussi est très bonne, monte de la 19e place. On s'en va aux 7e place. Tantôt, ce sera C'était fou. Le bloc, on retourne dans le passé et là, on va vraiment retourner très, très, très loin dans le passé. Je pense qu'on retourne en 2002, oui. On retourne au début d'un cycle qu'on a tendance à faire ici au Palmarès C'est fou. C'est qu'on y va dans l'ordre des années et le plus vieux qu'on a comme Palmarès, c'est 2002. Donc, on va retourner au début. Mais avant ça, en 7e place, anglophone, c'est Elephant Stone avec Knock You From Your Mountain qui monte de la 11e place. Et on débute avec Amor Blitz qui monte de la 20e. Voici Kilimanjaro au Palmarès C'est fou sur les 89.1 FM. Kilimanjaro, Kilimanjaro. Elephant Stone avec Knock You From Your Mountain, position numéro 7 anglophone qui monte de la 11e, ça fait 7 semaines que c'est là. Et avant c'était Amor Blitz et Kilimanjaro qui monte de la 20e et qui était nouvelle entrée la semaine passée. Avant de passer aux 6e place, c'est-à-dire Jean Leloup et OK Go, c'est le moment de retourner en arrière. Voici C'était fou. Cette fois-ci, on recule à la semaine du 15 février 2002. Cinq personnes choisies d'un chapeau pour l'expérience du futur, créer de l'inconscience pour produire et produire mon image. Arracher un oreille et déposer là-haut en ne suivant aucun lien direct de chaque pour échec et revenir sans savoir leur futur inconscient le mérite d'un cadeau. Ce cinq peuvent voir à rester bloqué dans la réalité. Tout n'y figure plus, tout y a complètement changé. Tous n'y voient rien sauf les demi-dix qui se transforment. Trois pièces de la semaine du 15 au 21 février 2002. Dans cet info, on a débuté avec Ellie Morgan, le numéro 1 francophone, avec la pièce 2010 sur l'album Monsieur Larue. Ensuite, le numéro 1 anglophone, Rob Zombie et Feel So Numb, un classique de l'album The Sinister Urge. Et on vient de terminer avec une reprise de My Sharona, c'était Eldritch sur l'album Reverse, donc de la semaine du 15 au 21 février 2002. Vous voulez savoir, j'imagine, ce qui se passait ailleurs dans cette même semaine-là, autre que les numéros 1 et un choix que j'ai évidemment choisi parce que Caroline, j'aime la tonne My Sharona, jugez-moi donc. Donc, en francophone, de ce côté-là, on avait pas grand-chose qu'on connaît encore aujourd'hui. Pour vrai, c'est très, très lointain. J'étais pas là à l'époque, j'ai aucune idée ce que c'était. Mais Penelope, Mamzelle, Volume 10, Brigitte Fontaine, Sonny Cute, Cynical, Xardas, Le Nombre, ça quand même, je connais ça un petit peu. Stop, Guy Farran et Ophélia. En anglophone, il y avait Linkin Park, System of a Down, Bad Religion, Nine Inch Nails. Je pense que c'est un petit peu plus connu du côté de l'anglophone, donc la semaine du 15 au 21 février 2002. Et on fait C'était fou en deuxième heure à chaque semaine dans les palmarès C'est fou. Il nous reste juste assez de temps pour aller aux positions numéro 6 de nos palmarès du présent, c'est-à-dire de la semaine du 16 au 22 février 2015. En anglophone, c'est OK Go avec l'ancien numéro 1 Obsession. Ça veut dire qu'on a un nouveau numéro 1 du côté francophone. Je n'en crois pas mes yeux. Du côté francophone, quand même, c'est la même chose. Wow! OK, là, c'est vrai que j'y crois comme pas. Les deux numéro 1 sont rendus numéro 6. Donc, en francophone, voici Jean Leloup et les Flamants Roses. C'est les palmarès C'est fou, 89 FM. «

Head throbbing like a heart, heart throbbing like a drum, drums throbbing like the points. Just go ahead and jump. It's obsession. It's obsession. It's obsession. It's obsession. It's obsession. Fascination now. It's obsession. It's obsession. It's obsession. It's obsession. It's obsession. OK, go. Et Obsession, lancé numéro 1 maintenant, 6e anglophone. Même chose en franco, Jean Leloup avec les Flamants Roses qui descendent de 5 places. C'est la fin de la portion top 10. On entre dans le top 5 dans quelques instants avec les numéros 1. Bien sûr, on sait que c'est des nouveaux. On va aussi avoir ailleurs dans les palmarès et un paquet de plaisir ensemble. Les palmarès, c'est fou dans 2 minutes. Troisième heure, la portion top 5 des palmarès c'est fou pour la semaine du 16 au 22 février 2015. Je m'appelle toujours Mathieu Plante et Jean-Philippe Charbonneau est toujours en congé cette semaine. Il devrait être de retour la semaine prochaine. On entre donc dans le top 5, la dernière heure de l'émission, la plus importante, certains diraient. Même si moi, je préfère la portion nouveauté. Le milieu me laisse un peu, c'est moyen, c'est un peu tiède. J'aime les extrêmes, c'est de même, c'est fou, fan d'extrêmes. Alors, numéro 5, du côté anglophone, c'est Belle and Sebastian avec Nobody's Empire qui est stable. Et en francophone, ça monte de 3, voici Kepler et Carnivore. Sur C'est fou, dans vos oreilles. Dude!

heart and soul inside it. Be creative in the things that you don't want to even talk about. Be creative in the things that your teachers used to laugh about. Be creative in the things that you always used to dream about. Be creative in the things that are happening. Everything counts, every little reaction can start a chain reaction. Seize the day, carpe diem. Now is the time, enjoy yourself. Be creative in the things that you don't want to even talk about. Be creative in the things teachers used to laugh about. Be creative in the things that you always used to dream about. Be creative in the things that are happening around you. Burkett, Be Creative, position numéro 4 qui monte de 6 places en anglophone. Avant ça, en franco-stréosaure avec Kaleidoscope qui monte de 3. Avant, entendu aussi les 5e places, Belle and Sebastian avec Nobody's Empire et Stable en anglo. Et Kepler monte de 3 avec Carnivore en francophone sur l'album Déséquilibre. Tantôt, en numéro 3, on aura Summerland et Napalm Palm. Mais avant ça, c'est le moment d'aller visiter la section ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, c'est ailleurs dans les palmarès. Oh, wow! Ailleurs dans les palmarès, c'est la chronique dans laquelle on regarde ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, parce que les palmarès, c'est fou, c'est plus que seulement un top 20 francophone et un top 20 anglophone. C'est aussi un top 30 des albums, un top 3 des disques canadiens, un top 10 loud et un top 5 musique du monde. Commençons avec le top 30 des albums. On trouve 3 nouvelles entrées. En 21e place, l'album de Until the Ribbon Breaks, A Lesson Unlearned, qu'on vient de recevoir. On avait seulement le maxi avant. Ils vont sûrement faire leur retour dans les vrais palmarès bientôt. En 20e place, Elisa Leblanc avec Highways, Heartaches and Time Well Wasted. Et en 19e place, c'est Elliot Maginot avec Young, Old, Everything in Between. En 3e place, ça monte de 3, Napalm Palm avec The Unconditional Love of Napalm Palm. En 2e, c'est Viet Cong et leur album homonyme. Et en 1ère place, ça monte de 3, The Mar Wheels avec l'album Facts and Figures. Dans le top 3 des disques canadiens, en 3e place, ça monte de 3, c'est encore Napalm Palm. En 2e, Viet Cong et en 1ère, The Mar Wheels. C'est la même chose que le top 30. Dans le top 10, Loud, 4 nouvelles entrées. En 10e place, Them Country Bastards avec Sick Days, ça c'est le nom de l'album. En 9e et en 8e, c'est un album genre de double, si on veut, parce que c'est Periphery avec leurs albums Juggernaut Alpha et Juggernaut Omega. En 7e place, c'est Ancy Ferrum avec One Man Army. Ensuite, dans le top 3, c'est Stable. En 3e, Lord Dying et l'album Poison Altars. En 2e, c'est l'ancien numéro 1, Venom avec From the Very Depths. Et en 1ère place, 11e semaine de présence, remontée d'une place pour l'album At War with Reality par At the Gates. Dans le top 5 musique du monde, 2 nouvelles entrées. En 5e place, Le Yaré avec l'artiste Dom La Nena sur l'album Soyo. Ça, c'est des pièces, bien sûr. En 3e, la pièce Julep de Punch Brothers sur l'album The Phosphorescent Blues. Ça, c'était aussi une nouvelle entrée. Ensuite, en 2e place, l'ancien numéro 1, la pièce Vartam Jotod par Susanna. Et en 1ère place, ça monte de 2, c'est Hicks avec l'extrait Le Garçon Jardinier sur l'album Opération Malicorne. Comme à chaque fois qu'on fait cette chronique-là ailleurs dans les palmarès, je vous choisis quelque chose à entendre. Et j'étais vraiment intrigué par le concept là, de Periphery du côté du Top 10 Loud avec deux albums, Alpha et Omega. J'ai cherché un peu et j'ai trouvé une pièce. Donc pourquoi ne pas aller entendre Periphery avec la pièce titre de l'album Alpha tout de suite. Et ça commence avec du genre de chiptune, fait que c'est cool. C'est ça, musique de jeux vidéo dans du métal, genre rock loud. En tout cas, écoutez ça. Forever. l'extrait Alpha sur l'album Juggernaut Alpha par Periphery dans la section ailleurs dans les palmarès, des palmarès c'est fou. Juggernaut Alpha, c'est le troisième album studio du groupe de métal progressif américain Periphery. C'est le premier d'album double finalement. Le deuxième album s'appelle Juggernaut Omega. C'est sorti, les deux albums sont sortis le 27 janvier sur Sumerian Records et ça a atteint le numéro 15 sur le US Billboard 200. On dit que le premier Alpha, c'est le plus long des deux disques. Voilà. Donc, c'était la section ailleurs dans les palmarès. On fait ça chaque semaine, bien sûr, dans la dernière heure de l'émission. On est rendu au numéro 3 du compteur de fun, c'est Napalm Palm avec Get With Me qui monte de 3 places sur leur album The Unconditional Love of Napalm Palm. Mais avant ça, en franco, c'est Summerland qu'on écoute sur l'album qui porte un drôle de nom, 2012. Hein? Voici Encore Loin de Toi au 89 FM, c'est les palmarès, c'est fou. Et on est bien en 2015. Get With Me. Pour ce numéro 3 anglophone, ça monte de 3 places. Et en franco, Summerland avec Encore Loin de Toi qui monte aussi de 3 places sur l'album, encore une fois, 2012, même si on est en 2015. C'est bizarre. On avance avec les numéros 2 maintenant. Il nous reste environ 25 minutes à l'émission. On va savoir bientôt qui sont nos numéros 1. On a su tout à l'heure que nos anciens numéros 1 sont descendus en 6e place. Jean Leloup et OK Go, malheureusement. Donc en 2e anglophone, ce sera Viet Cong avec Silhouette qui est stable. En francophone, ça monte de 3. C'est la très gentille Marie-Pierre Arthur qui a absolument rien à faire. C'est le nom de la chanson. Faut pas m'arrêter, c'est fou. J'ai essayé. Stable en deuxième place anglophone. Avant ça, c'était Marie-Pierre Arthur et Rien à faire qui monte de 3. On est rendu au numéro 1. On n'a vraiment pas beaucoup de temps. Donc, jeu de mots rapide. Là, si je donne ma langue au chat parce que je trouve pas de jeu de mots, les filles pourraient dire je donne ma robe au lynx. Robe au lynx, comme un robe au lynx, la pièce de galaxie. Haha. Et en anglophone, crime, partez pas. Retournez-vous-en pas chez vous. Restez dans la voiture au travail pour écouter la fin du numéro 1 anglophone. Qui est de Marwill avec Don't Go Home. C'est tout. C'est, tu vois, quand j'ai pas beaucoup de temps pour faire des jeux de mots, l'album s'appelle Facts and Figures et en francophone Galaxy Robo Lynx sur Zulu. Ça commence à l'instant. Faut pas mal assez fou. 89 FM. Position. baby, go back to your place. Why don't you treat me with that pretty little face? Come on, baby, why don't you live a little, laugh a little? Come on now, let's go, let's get out of here. I think we've seen all there is. Come on, let's go. Come on, baby. Come on. Don't push me out in the cold. De chaque côté, on vient d'entendre en anglophone The More Wheels et Don't Go Home sur l'album Facts and Figures. Ça montait de 3 places. Et en francophone, on a entendu Galaxy avec Robo Lynx qui, elle, monte d'une. Et c'est sur l'album Zulu. Voilà, c'est tout pour les palmarès. C'est fou. On se retrouve toujours en direct la semaine prochaine, mercredi entre 15h et 18h. Restez là après nous, c'est Audiomatique, émission de musique électronique. Et ensuite à 19h, Les Audacieuses avec des découvertes musicales. On repasse les vendredis entre 17h et 20h. Après nous, c'est Les Bonnets Rouges, puis Sky Punk. Et finalement, les dimanches entre midi et 15h. Restez à l'écoute. Écoute, cif.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. Je me dépêchais tantôt parce que je voulais avoir le temps pour écouter une très très longue pièce. C'est une pièce qui a fait son entrée la semaine passée du côté francophone. Elle dure presque 6 minutes. C'est Chocolat avec Apocalypse sur l'album. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Le temps de vous dire que je vous retrouve aussi à Assemblage Requis, l'émission du matin de C'est fou entre 6h30 et 9h30 du lundi au jeudi. Et au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante les mercredis à 13h. Que de choses à retenir, mais j'avais l'occasion de le dire, donc c'est fait. On se retrouve la semaine prochaine. Palmarès C'est fou. Merci d'avoir été là. Bye.